Pour un transport routier en toute sécurité, les autobus du groupe Véro sont les gens à contacter. Nous offrons les transports de voyage à 48 et 56 passagers, en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, votre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-679-1573. Toute l'équipe du groupe Véro, située au 1106 Saint-Christophe à Saint-Félicien, souhaite la meilleure des chances au Marcos Pub Midget de Saint-Félicien et est fière d'être partenaire de la chronique de l'instructeur-chef David Boudreau. Chronique maintenant du Marcos Pub de Saint-Félicien avec l'instructeur-chef David Boudreau. Salut David! David, quel match en fin de semaine? Victoire de 10-0 à l'aréna de Saint-Félicien. Oui, on a battu Alma 10-0 vendredi soir. Est-ce que c'est vraiment surprenant? Est-ce que les Aiglons forment une équipe? Parce que je pense qu'il y a quoi? Il y a une équipe cette année à Alma. Est-ce que c'est surprenant quand même? Oui, c'est un match surprenant, mais je veux pas rien enlever aux Aiglons. C'est probablement qu'il y avait un mauvais match dans le corps, puis ils l'ont fait, mais de notre côté, on a joué un match là presque parfait d'année. On a vraiment dominé là, ce match-là. Les joueurs ont vraiment travaillé en équipe. La transition, attaque, défense, c'était numéro un. Le jeu de passe, la cohésion, la discipline. Écoute, en première période, on a dominé 15-0 les tirs au but. Il n'y avait aucun tir au but en première période. Puis on a fini le match avec 39 tirs au but contre 4. Okay. Donc, pour te dire que les joueurs en défensive, là, l'efficacité, là, la rondelle sortait rapidement, les gars étaient bien positionnés. C'était un match, tout le monde, mes 15 joueurs à l'avant, mes 15 joueurs d'attaque ont joué un match excellent. Puis probablement que les Aiglons avaient un bon match dans le corps puis qu'ils l'ont fait contre nous autres, là, mais c'était un match presque parfait pour nous autres. Ça va quand même assez bien, parce qu'on s'est parlé mercredi dernier, c'était, j'ai regardé le classement POC par après, vous étiez deuxième, ne pas surprendre que vous êtes premier en province, en Corsairie, donc on peut dire que c'est un excellent début de saison. Là. Oui, on est vraiment content. On avait beaucoup de 15 ans encore cette année, on avait 7-15 ans, donc on s'attendait vraiment à l'avoir au début, là. C'est tout avec la cohésion au début. C'est beaucoup de timing. C'est pas parfait, je vais te dire. Là. On a eu des matchs difficiles, les gars, mais on a toujours réussi à s'en sortir. On trouve que les bonnes équipes ont toujours le moyen de gagner. Puis je pense qu'on trouve toujours le moyen de gagner, justement. On a deux victoires en prolongation. Une victoire en prolongation, puis une victoire en fusillade. Ça va super bien. Les gars s'acclimatent bien. Le système, il est pas tout à fait compris à 100%. Mais je sens que les gars travaillent dans le bon sens. Puis oui, le classement POC, c'est vraiment une question de pointage, de points de ligue. Là, mais dans notre ligue, on a toujours été le Lac-Saint-Jean, une ligue extrêmement forte, une ligue ouais. Comme la Ligue France-Sud, comme le Bas-Saint-Laurent également. Ils ont toujours eu des très bonnes équipes également. Donc, c'est vraiment là. C'est après les tournois qu'on va voir à peu près comment on se situe. Mais là, présentement, là, tout dans notre ligue, ça va super bien. Puis on a surveillé les Marquis, puis on a surveillé les Orioles également, les Casseurs de Delbeau. Donc, c'est un début de saison, on a un tiers de fait, il en reste encore le deux tiers, donc on continue de travailler fort, puis on verra. Est-ce que les jeunes se pensent trop bons? Parce que je faisais l'entrevue avec Daniel Tremblay des Castors la semaine passée, que je demandais à Daniel, puis ça fait longtemps que les Castors n'ont pas eu une bonne équipe comme ça, puis il me disait, les joueurs se trouvent des fois un peu trop bons. Vous n'avez aucune défaite depuis le début de l'année. Est-ce que dans l'ensemble, tu as du problème de ce côté-là? Est-ce que souvent, il faut que tu ramènes l'équipe à l'ordre? Moi, peu importe le pointage, je regarde toujours comment que les gars travaillent. C'est super important que même si tu mènes 4-1 ou tu mènes 6-1 ou 8-0, faut pas que tu déroules le système. Faut pas que tu commences à faire, mettons, entre guillemets, les clowns un peu, faire des choses que tu ferais jamais dans un match, puis là, tu fais parce que tu mènes 8-0, faut pas. Faut jouer selon le système de jeu. Puis si mettons moi je veux que les joueurs me fassent ça, ben je veux qu'ils les fassent tout le temps. Je veux vraiment qu'ils travaillent selon en équipe. Toujours travailler en équipe également. Pas tricher, pas faire des chiffres trop longs, pas attendre, même si c'est 10-0, pas risquer une passe, parce que si la passe, elle passe trois joueurs au travers, elle va se rendre, ça va être beau pour un échappé. Je veux vraiment que les gars dérochent pas. Puis moi je pense qu'en fin de semaine, là, contre les Aiglons d'Allemagne, on a gagné 10-0, là, mais c'était le maximum. Okay. Si on peut pas gagner. Avoir gagné 4-0 comme on jouait là, j'aurais été tellement déçu, mais gagner 10-0, c'est excellent parce que on peut pas gagner 11 ni tout parce que les gars ont tellement été parfaits dans toute l'exécution que 10 c'était mon gros max. Comme la semaine passée contre les Seigneurs Chicoutimi, ils ont joué un très bon match chez les Sacs, mais on a gagné 2-1, puis je pense qu'on a tellement pu gagner 4-1 ou 3-1 ou 4-2 ou 5-2, peu importe. Mais c'était pas le match niveau optimal de mes joueurs. Ils ont laissé le système un peu, ils ont paniqué parce qu'on perdait au début. En fin de deuxième également, parce qu'on aurait un autre but, faire 2-1 pour les Serres, on a paniqué, on n'a pas joué le système, on n'a pas gagné beaucoup de punitions d'indiscipline. C'est des punitions dans zone centrale que hop, la croque, c'est paresseux. C'est pas vraiment la game idéale, mais contre les Aiglons, on l'a vraiment reçu. Puis c'est ça que je surveille tout le temps pour mes joueurs, pour pas vraiment qu'ils dérogent du système de jeu. Puis s'ils font ce qu'ils ont à faire, puis chacun fait sa job, puis qu'ils laissent faire la job de l'autre, puis qu'ils ne commencent pas à comparer que qu'est-ce que lui qui fait, puis qu'est-ce que l'autre fait pas, ben ça devrait bien aller. Mais à date, là, c'est surtout ça qu'on se surveille. C'est vraiment comment que le jeune joue selon le plan établi. Puis le reste, ben comme je te dis, ben c'est à nous les coachs d'intervenir quand un joueur qui fait pas la. OK. En fin de semaine, maintenant, c'est des gros tests, deux grosses formations. D'abord, on va parler des Marquis de Jonquière dans le traditionnel match du vendredi soir à Saint-Félicien et dimanche au complexe sportif du secteur de Lebeau contre les Castors. Ah, comme tu dis, c'est vraiment c'est une fin de semaine parfaite qui s'en vient là, pour voir aussi tu où vraiment, là, comment on est rendu avec les joueurs, avec le plan de match, puis tout ça, pour voir comment que aussi. Les Marquis, on n'a pas vu encore les Marquis, on sait pas. On sait qu'il y a une belle fiche de 5 victoires et une défaite. Delbeau, ben, on les a vu un match hors concours, mais c'était pas l'équipe complète. Là, ils ont un mois de plus de travail, de pratique, de système de plan de match dans le corps. Ça va paraître aussi, c'est sûr. Ça va être deux bons matchs en fin de semaine. J'ai vraiment hâte de jouer ces matchs. Ben, pas de jouer, là. Moi, je les joue pas, là. Mais vraiment des coachés avec mes jeunes, puis de s'adapter au style un peu. Puis j'ai hâte. C'est du beau hockey. C'est du très beau hockey encore. Je suis bien content. Puis en fin de semaine, ben, c'est deux beaux défis pour nous autres, Marquis vendredi soir, puis les Castors. OK. Donc, David, on se reparle mardi prochain? Okay, voilà, l'instructeur-chef du Marcos Pop de Saint-Félicien, David Boudin.